sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Mais bon, une petite pause musicale sera sûrement plus agréable qu'une publicité. Sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Passez au reconditionné. Smartphone, ordinateur, audio, console, adoptez des milliers d'appareils tech vérifiés par des partenaires de confiance. Garantie contractuelle du vendeur pouvant aller de 12 à 24 mois venant en complément des garanties légales de conformité et des vis cachés. Voir conditions sur backmarket.fr. Back Market. Parmi les nombreuses choses que l'on est amené à ressasser dans son lit, le soir, avant de s'endormir, l'humiliation subie lors d'un échange avec un ami, un collègue, sa mère, des enfants, un professeur, un chef ou que sais-je encore, se place toujours en bonne position. Pourquoi n'ai-je pas dit ça? Pourquoi me suis-je énervé? Pourquoi n'ai-je pas sorti cet argument ultime? Et puis aussi, pourquoi me suis-je embarqué dans cette discussion avec un tel idiot? Mais enfin, et surtout, pourquoi, alors que j'avais raison, n'ai-je pas eu raison? Ne comptez pas sur Arthur Schopenhauer pour avoir la recette miracle et vous en sortir la prochaine fois. En revanche, comptez sur son art d'avoir toujours raison pour comprendre pourquoi tout cela n'a rien à voir, hélas, avec la raison. Pire, ni avec la vérité. Il faut sans doute dire un mot, par exemple, du cerveau de monsieur Gérard Houry avec messieurs Bourville et Belmondo. Le cerveau aura beaucoup de succès. On s'en fout. Et je m'en fous comme vous. Mais il est tout de même important de dire aux millions d'auditeurs de Paris Inter et non pas aux 500... Vous avez tort d'aller voir Houry. Non pas 500 personnes qui sont dans cette salle. C'est du terrorisme intellectuel. Il faut leur dire... Alors vite un mot. Le cerveau de Gérard Houry représente exactement le cinéma que je hais et contre lequel je lutterai de toutes mes forces tout le temps. Bravo. Voilà. Oui, mais alors... Je me fous de la démagogie. Bon, est-ce que ceux qui applaudissent Jean-Louis Borry ont vu le film? Non. Ils n'iront pas. Bien sûr. Mais non. Ils n'iront pas, mais je ne veux pas qu'ils y aillent. Oui, mais ils iront. C'est du fascisme. Je dis que si Monsieur Houry gagne beaucoup d'argent en vendant son âme, tant mieux pour lui, mais que le masque et la plume se déshonore en parlant de ce film. Très bien, madame, je vous aime. Est-ce que vous avez vu le film? Et pourquoi irait-elle? Elle l'a pas vu. Non, est-ce alors que là, vous l'avez vu? Alors, n'en parlez elle pas. C'est de la malhonnêteté de parler des films qu'on n'a pas vus. Et vous ne pouvez siffler. J'ai été voir le film, par conscience professionnelle. Pourquoi tu as de la conscience professionnelle? Oui, pour voir celui-ci, il faut le faire en avoir. Bonjour Christophe Salin. Bonjour Géraldine. Vous enseignez la philosophie au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre. Vous avez préfacé les manuscrits inédits de Schopenhauer aux éditions Coda. Vous êtes l'auteur de « Apprendre à philosopher avec Schopenhauer » aux éditions Ellipse. Et l'on vous doit la traduction de « L'art d'avoir toujours raison » de Schopenhauer aux éditions The Minute Philosopher. Alors on a entendu cet extrait, cet archive du Masque et la Plume, mission célèbre sur France Inter. L'extrait date de 1969. C'est un débat entre Georges Charansol et Jean-Louis Borry à propos du film « Le cerveau » de Gérard Houry. On a là un petit peu l'exemple paradigmatique d'un échange, d'un débat, d'une controverse auquel s'intéresse Arthur Schopenhauer dans son traité « L'art d'avoir toujours raison ». Oui, là on a vraiment un condensé de stratagèmes ou de techniques, ou en tout cas de propositions qui nourrissent un débat mais qui ne va de fait nulle part. Puisque bon, c'est peut-être le propre aussi d'une émission consacrée à la critique où par définition chacun exprime un point de vue éminemment subjectif dont il pense qu'il peut effectivement refléter une position beaucoup plus large, mais très vite ça tourne au vinaigre et on s'insulte, c'est les anathèmes, c'est-à-dire qu'on là on a un extrait qui commencerait un peu par la fin du traité, de l'art d'avoir toujours raison. C'est quand on ne peut plus débattre, eh bien, il reste encore l'insulte. Donc c'est encore une manière de relancer le débat. Et puis il y a aussi cette dimension du public, c'est-à-dire que quand on est en controverse, il y a toujours une manière de se mettre en scène et de se montrer à l'autre. D'ailleurs même quand on est en famille, en fait, il y a une forme de démonstration de force. force, et là on l'entend très clairement, il y a quand même cet appel au public qui fait qu'il faut avoir le dernier mot, le mot le plus fort, il faut véritablement désarmer son adversaire. Est-ce qu'on peut dire que la controverse chez Schopenhauer, c'est presque un art polémique, un art militaire? Oui, lui-même associe ça, enfin le compare à de l'escrime. Donc il s'agit bien quand même de toucher l'adversaire, de parer ses attaques par des bottes secrètes, ou plus ou moins secrètes, ou en tout cas maîtrisées. On est dans du combat. On n'est plus dans du débat, on est dans du combat. Quelle distinction on pourrait faire d'ailleurs? Ben on pourrait. Le débat ne devrait pas faire de victimes. Le combat cherche à en faire une, finalement. Le débat porte sur des vérités objectives. En tout cas, on peut penser quand on débat. Enfin, je pourrais quand même nuancer après ce que je dis. Oui, moi aussi. Je crois. Mais on peut supposer que le débat puisse avoir comme objet de trancher un problème, de trancher une question, et chacun aurait à cœur de pouvoir trancher la question dans le vrai, enfin pouvoir dire voilà ce qui est tel qu'il est. Le problème, c'est que le débat peut très vite virer à la controverse. Voilà, la dispute et là au combat plus ou moins moucheté, dès lors où il ne s'agit plus tant de dire ce qui est, mais de paraître le détenir, c'est-à-dire de ne pas perdre la face. Et effectivement, le public ici, l'audience est évidemment fondamentale. Quand on est juste tous les deux et qu'on peut débattre, on peut même à un moment donné ne plus arriver à débattre. On peut aussi dire mais je peux pas te suivre, c'est un peu absurde, ça n'a plus aucun sens. Mais au moins, on est entre quatre yeux. Dès lors où il y a un troisième larron, tout de suite quelque chose se met en place qui est de ne pas perdre la face, de au moins de paraître avoir raison si on ne peut pas prouver ou démontrer qu'on a raison. Et là, on a véritablement, pour resituer cette réflexion de Schopenhauer, on a véritablement cette opposition, cet antagonisme entre l'intelligence d'une part et la volonté d'autre part. L'intelligence cherche à dire ce qui est. Est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on cherche à se représenter les choses telles qu'elles sont, à les concevoir, à en avoir une intuition véritable. Et la volonté, elle cherche la satisfaction. Elle cherche à pouvoir assouvir le désir, l'instinct, la pulsion, on dirait aujourd'hui. Et effectivement, quand nous sommes dans un débat qui commence à perdre peu à peu de sa sérénité, ce qui compte, ce n'est plus l'objet de la controverse, mais ceux qui y participent, et leur honneur, leur vanité, etc. Et là, on a un bon exemple dans cet extrait, puisqu'au fond, on voit bien que tout de suite, c'est la volonté qui prend le dessus. D'ailleurs, quand quelqu'un dit « Mais avez-vous vu seulement ce film dont vous parlez ?», on voit bien que on ne parle plus du film, mais on a juste envie de se mettre en scène en disant quelque chose sur le film. Oui, et puis surtout, dans ces moments-là, on voit bien que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir raison, c'est-à-dire d'avoir le dernier mot, qu'on sorte presque vainqueur. Et effectivement, c'est plus l'objet qui est en jeu, mais c'est aussi une idée qu'on avait déjà même avant le débat. C'est-à-dire qu'en fait, dans un débat, en tout cas qui vire à la controverse, comme on l'a entendu, on voit bien que ce qui est en jeu, c'est pas l'autre véritablement, ni l'objet du débat, mais vraiment une idée où on aimerait être conforté, en fait. On aimerait que tout le monde adhère à ce qu'on avait en tête d'une manière presque prédéfinie. Oui, alors en fait, ce que nous dit Schopenhauer, c'est que généralement, si on part du principe que les participants à un débat sont de bonne foi au départ, après tout c'est possible, on peut être de bonne foi, on peut penser qu'on a raison sur tel ou tel plan, sur telle ou telle question. Mais le problème, c'est que tout le monde pense qu'il a raison. Oui, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un débat, parce qu'il faut pouvoir trancher la chose. Mais en même temps, très rapidement, on se rend compte qu'on peut être ébranlé par les raisons que l'adversaire va invoquer. Et alors même qu'au départ, on pense avoir raison, on commence à se demander si on a vraiment raison. Et là, au fond, on pourrait, si on avait simplement à cœur la vérité, on pourrait finalement admettre les raisons de l'autre, se dire « oui, il semble que vous ayez raison finalement et que je me trompais ». Mais on se dit que peut-être qu'on n'a pas encore trouvé l'argument, le bon argument qui montrerait que nous avons raison. Et donc, plutôt que de reconnaître éventuellement ses torts, on part du principe que l'adversaire doit avoir tort et que tôt ou tard, dans la discussion, on le montrera. Et donc, on s'attache mordicus à ce qu'on disait, D'une certaine manière, c'est pas une mauvaise chose, parce que si on a raison, on aurait quand même tort de renoncer à la vérité. Mais comme, de fait, nous n'en savons rien véritablement, en tout cas pas d'un point de vue absolu, eh bien, on finit effectivement par chercher à mettre les rieurs de son côté, on cherche à influencer l'autre par des persuasions diverses, ou on cherche à le mettre en colère pour qu'il perde ses moyens. Et là, on a, me dit Schopenhauer, on est, il a cette formule assez belle, il dit, nous sommes presque naturellement enclin en fait à la malhonnêteté, même quand nous ne le sommes pas, nous sommes forcés de le devenir parce que nous ne savons pas finalement qui a raison, et l'idée que l'autre puisse avoir raison quand même, c'est quelque chose qui nous est insupportable, et donc on utilise finalement des stratagèmes pour avoir raison, en tout cas pour sembler l'avoir, parce que c'est ça, pour avoir raison en tout cas aux yeux de et aux oreilles des auditeurs et des spectateurs. Alors, ce qui est intéressant quand on prend l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, c'est que justement, on a des stratagèmes, donc 38 stratagèmes, pour avoir raison, mais on n'est pas obligé forcément de lire ce livre-là comme un manuel. Ce serait même peut-être presque une erreur de se dire, grâce à ce manuel, je vais avoir tous les conseils, toute la méthode pour pouvoir m'en sortir et tuer chacun de mes adversaires. Oui, non, ça, c'est sans doute l'usage le plus contre-productif qu'il pourrait y avoir. Quand j'étais étudiant, je me souviens avoir vu une fois sur une émission, ça devait être l'A7 ou Arte, je ne sais plus, c'est il y a longtemps, il y avait un reportage, il y avait un vendeur de voitures américain qui disait « Mon métier, je l'ai appris en lisant Schopenhauer ». Et moi qui commençais à lire Le Monde comme volonté, comme représentation, je me demandais bien de quoi il pouvait parler. Quand j'ai découvert l'art d'avoir toujours raison, j'ai compris en fait qu'il l'avait bien utilisé comme un vademécum ou comme un ensemble voilà, de stratagèmes à mettre en œuvre. Ce qui est sans doute justement l'aspect le moins intéressant du texte, d'une part. Parce que Schopenhauer nous dit que cette dialectique que nous mettons en œuvre, la dialectique aristique, elle est pour une bonne part, elle est naturelle. Et au fond, on n'a pas besoin d'aller lire un livre pour apprendre comment se sortir d'un débat. Car de fait, quand les gens, à un moment donné, sont de mauvaise foi, ils trouvent très vite par eux-mêmes les moyens de le faire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est peut-être à la limite, si on voulait un usage pratique de ce livre, ça serait pour repérer les stratagèmes qu'on pourrait nous opposer. Voilà, on pourrait. Mais là encore, je pense que si on a un peu de mesure, un peu d'assise, on voit bien que l'autre est de mauvaise foi ou qu'il cherche à nous emmener sur un terrain qui n'est pas le bon. La dialectique éristique est l'art de la controverse, celle à laquelle on recourt pour avoir raison, que ce soit le cas ou non. On peut en effet avoir objectivement raison, et pourtant, aux yeux des spectateurs ou encore de soi-même, avoir tort. C'est ce qui arrive quand, en réfutant ma preuve, mon adversaire donne l'impression de réfuter ma thèse, bien qu'il puisse exister d'autres preuves à l'appui de ce que j'affirme. Dans ce cas, ce rapport s'inverse en faveur de mon adversaire. C'est lui qui semble avoir raison, alors qu'il a objectivement tort. Ainsi, la véracité objective d'une proposition et sa validité pour le débatteur et les auditeurs sont deux choses bien différentes. D'où cela vient-il? De la bassesse même de la nature humaine. Notre vanité innée, particulièrement sensible à tout ce qui touche à nos capacités intellectuelles, ne souffre pas que notre affirmation soit fausse et que celle de l'adversaire soit juste. Mais chez la plupart des hommes, cette vanité innée s'accompagne souvent d'un penchant pour le bavardage et d'une malhonnêteté également innée. Ils parlent avant de réfléchir, et même s'ils se rendent compte par la suite que ce qu'ils affirment est faux et qu'ils ont tort, ils s'efforcent de n'en rien laisser paraître. L'intérêt pour la vérité, qui était probablement le seul motif qu'ils avaient en vue quand ils déclaraient vrai leur proposition, cède désormais le pas aux intérêts de la vanité. Ce qui est vrai doit sembler faux, et ce qui est faux doit sembler vrai. Tu rigoles, mais les types qui sont déjà à 600 ou 100 km de leur travail, c'est pas une rigolade pour eux, en attendant qu'on les éjecte un peu plus loin. C'est l'évolution urbaine, c'est inévitable. Faut savoir s'adapter. S'adapter, t'es très marrant, faut avoir les moyens de s'adapter. Pierre. Ben, c'est François qui a raison. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont qu'à s'arranger. Ou pour en avoir, ou pour s'en passer. S'adapter, ça signifie quoi? Ça signifie vivre avec son temps, savoir bouger avec la société. Comme François. Naturellement, une seule devise. Pour changer de vie, changer la vie. Ah, autrefois, c'était autre chose. Fallait pas rire avec le progrès social, sinon il se fâchait. Comment, c'était la grande époque du dispensaire. Nous sommes au service du monde, etc., etc. Puis alors, je sais pas ce qui s'est passé, là, pff, tout d'un coup, coup de baguette. Plus de dispensaire, dis donc. Et à la place, une clinique toute blanche à l'étoile. Nous sommes au service du monde, mais du beau monde. C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris? Non, mais je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps. Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer. Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde! Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa danseuse, quel genre mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Écoute, François, écoute. Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, un gros dimanche, petit goût à la con! Merde! Alors dans les extraits qu'on a choisis, effectivement, il y a quand même cette tendance dans la controverse à tout de suite se clore par des insultes. On a presque l'impression en fait que c'est le scénario assez classique. Hein. Ça commence doucement, on n'est pas d'accord, et puis on parle de l'objet, et puis après on attaque la personne, et puis après on tombe dans l'insulte, la colère, l'énervement. On a entendu juste avant interpréter par François Raison un extrait donc de L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, où il fait bien cette distinction entre la véracité d'une proposition et sa validité. Mais dans l'extrait qu'on a entendu, qui est un extrait du film de Claude Sauté, Vincent, François, Paul et les autres, le film de 1974, on voit bien que ce qui est en jeu, effectivement, ça n'est pas la vérité. On débat rarement en fait d'un sujet comme s'il s'agissait d'un débat sur scientifique, par exemple, hormis cas de pandémie d'ailleurs, parce que là, pour le coup, la vérité avait vraiment un sens. Mais quand on parle du positionnement politique de quelqu'un, là, la vérité n'est pas en jeu. Donc effectivement, ce qui nous reste pour attester de la validité d'un débat, c'est bien les arguments déployés. Oui, oui, c'est vrai. C'est un très très, c'est vraiment un très bel extrait parce que d'abord parce que c'est effectivement une scène mémorable. C'est la scène du gigot le dimanche, et d'ailleurs le fait que ça se passe un dimanche est très schopenhauerien aussi parce que le dimanche c'est le jour d'ennui par excellence, mais c'est en même temps le jour où les amis ou la famille se réunissent, donc c'est le moment rêvé pour que tout aille à volo. J'écoutais donc cette scène et puis j'ai noté rapidement, il y avait trois stratagèmes qui étaient posés, mais qui étaient posés, donc on est bien d'accord, qui sont posés très naturellement, c'est-à-dire que c'est dans le vif du débat, que selon l'interlocuteur, celui qui prend la parole, eh bien, il appuie sur quelque chose plutôt que sur une autre. Première chose, si j'en dis un mot, c'est que on a un stratagème qui s'appelle le stratagème de l'homonymie, notamment dans Changer de vie, changer la vie. On reproche au personnage joué par Piccoli, on lui reproche de s'être bourgeoisé, d'avoir défendu des idées progressistes de gauche, etc. Puis maintenant, c'est devenu un grand bourgeois. Et donc, il estime que bon, bah, il faut s'adapter. Si les loyers sont trop chers, bah, tant pis pour ceux qui s'adaptent pas et qui doivent partir. Et donc, on lui rétorque. D'abord, on lui dit, bah oui, c'est bien lui qui a raison, hein, changer la vie, après tout, c'est changer de vie. Hein. Donc on joue sur ce premier point-là. Le deuxième, c'est évidemment un argument ad hominem, c'est-à-dire cet argument qui consiste à rappeler ce qu'un autre a pu dire. À l'époque, c'était le dispensaire, c'était ça. Voilà de quoi tu te contredis, en fait. Voilà, c'est de dire, ta position, elle ne rime pas à grand-chose, puisque finalement, tu ne fais que te contredire. Donc on est bien dans l'idée, il a raison, mais c'est ironique. Donc là aussi, c'est une sorte de stratagème, c'est de prendre les choses aussi à la rigolade, sans vouloir trop le montrer. Et ensuite, on montre cela avec ses arguments, avec ses stratagèmes. Donc tu te contredis finalement. Hein. C'était quand même toi qui disais que, et puis maintenant. Et maintenant, dernier argument, c'est l'argument d'utilité. Parce que maintenant, t'es installé, donc évidemment, tu vas quand même pas revenir au dispensaire. Maintenant, t'as envie que ta clinique, elle fonctionne bien et que tu puisses avoir ce mode d'existence bourgeois. Donc au fond, on a au moins ces trois-là, avec évidemment un autre qui est essentiel, c'est que en appuyant sur ces choses-là qui font mal, parce qu'on voit bien que c'est quand même pour faire mal qu'on dit tout cela, ou pour remettre quelqu'un un peu à sa place, on dirait, on cherche à suggérer, enfin à le mettre en colère, et c'est ce qui arrive on le met en colère, donc évidemment là, il perd tous ses moyens rationnels, on va dire, il ne rentre plus dans le débat, mais il le clôt par l'insulte. On aurait encore beau jeu à la fin de dire, mais voilà, c'est tout ce que tu as à dire, tu n'as que des insultes à proférer. Donc on a bien ici une controverse un dimanche autour d'un gigot, parce qu'à la fin, je crois que le gigot, il s'envole, hein, enfin on le vire de la table. On apprend tout. Alors, le dernier élément aussi, l'insulte touche tout le monde. Le boxeur qui ne boxe plus, l'écrivain qui n'écrit pas, la femme qui le trompe, enfin tout ce qu'on veut. Et personne, évidemment, ne peut répondre quoi que ce soit. Et donc, les spectateurs, tous ceux qui sont autour de la table, apprennent tout, à la limite, même ce qu'ils ne savaient pas encore. Donc, on a bien une scène très complète ici. Et là, vous avez raison, c'est que dans une scène de ce genre, c'est pas la vérité objective qui compte. Il s'agit effectivement, au sens où on ne va pas entrer dans des démonstrations, on n'est pas dans un débat de savants, dans une question de science. On est déjà dans quelque chose qui relève de la politique, finalement, où chacun cherche à exprimer un point de vue dont il pense qu'il est préférable à d'autres. Ce qui en soi, de toute façon, est une bonne chose. La politique, c'est moins des discours de vérité que des discours qui cherchent à convaincre de la nécessité d'avoir telle ou telle priorité et donc de faire telle ou telle chose. Il y a une dimension pratique, évidemment, dans la politique. Et le discours ou le débat politique gagne à s'appuyer sur des éléments de vérité, mais ne peut pas s'en satisfaire, puisque de fait, quand on va bientôt devoir voter, et on votera sans doute aussi pour quelqu'un qui n'aura pas toujours été fidèle à la vérité, mais dont on pourra penser que ce qu'il défend est préférable à ce que d'autres défendent. Mais c'est à la fois le drame en fait des controverses, c'est-à-dire qu'elles sont complètement déconnectées finalement de la vérité, à la fois dans leurs arguments, mais aussi en fait dans l'objet sur lequel on doit trancher. Et en même temps, c'est tout le sel aussi de ces controverses. C'est ce qui fait aussi que Schopenhauer en y consacre un traité. Alors un traité qui au départ n'était pas destiné à être publié, qui a été publié après sa mort en 1864. Schopenhauer est mort en 1860. Il l'a écrit en 1830, il me semble. Il y a donc 38 stratagèmes. Il y en a quelques-uns que vous avez dépliés, Christophe Salin, et qu'on va déplier tout au long de l'émission. Mais on voit bien, en fait, que ce qui intéresse Schopenhauer dans ce genre de drame de la controverse, c'est précisément qu'elle soit déconnectée de la vérité, mais qu'en même temps, elle repose quand même sur des règles. Il y a quand même des stratagèmes. Donc ça, c'est quand même dingue pour un philosophe comme Schopenhauer de s'intéresser à un usage quotidien du langage, où la connaissance, la vérité, ne soit pas au cœur de ce dispositif, alors même qu'il n'a passé que sa vie à s'intéresser à la vérité, à dire qu'il ne se dédiait qu'à des choses liées à la connaissance. Et pourtant, il s'intéresse à cet usage du langage qui n'est là que pour finalement avoir raison sans utiliser la raison. Oui, mais en même temps, ce qu'on a chez Schopenhauer, c'est l'idée que effectivement, c'est la vérité. La vérité, c'est la mire du philosophe. Hein, c'est ce qu'il recherche au point d'en être passionnellement, d'en souffrir passionnellement. Hein. Et effectivement, la vie de Schopenhauer, c'est une vie qui est une vie de savant consacrée à la vérité, et toute son œuvre, c'est une suite d'ajouts de variations sur un même thème. Ce petit texte de 1830 n'avait sans doute pas pour vocation à être publié tel quel, enfin pourquoi pas à la limite, mais il l'a publié en partie dans les paragraphes. Il y a un petit chapitre qui s'appelle « Sur la logique et la dialectique » où il rappelle qu'il avait des années auparavant qu'il s'était posé la question de ces stratagèmes, qu'il en avait trouvé une quarantaine, donc on est bien raccord avec tout ça, et il en propose quelques-uns. Il en propose quelques-uns et on voit bien que, ne serait-ce que pour montrer que voilà, il raconte pas des bêtises, hein, il a bien fait ce travail et à sa connaissance, personne ne l'avait fait. Mais il se rattache dans l'art d'avoir toujours raison, il se rattache à Aristote qui a travaillé sur la sophistique, sur les différents topics, sur tous ces lieux par lesquels on cherche à persuader ou à convaincre, parce que selon qu'on se situe dans la pure logique ou dans la sophistique, évidemment, on n'a pas la même chose en vue. Et d'une certaine manière, ce texte part d'Aristote pour montrer qu'Aristote n'a pas eu une vision très claire finalement du sujet et que il s'est un peu perdu ou alors il a dit des banalités, il est pas allé bien loin. Donc parce que c'est un peu ça, c'est la manière de Schopenhauer de rappeler que les grands philosophes parfois aussi, ont aussi des faiblesses, hein. C'est aussi l'art d'avoir toujours raison, cette manière de procéder. Oui, ça peut être ça. Alors là du coup, il y aurait un texte intéressant auquel on pourrait faire référence dans les paragraphes qui s'appelle Les fragments pour une histoire de la philosophie. Parce que Schopenhauer a écrit une histoire de la philosophie. D'habitude, les gens qui écrivent des histoires de la philosophie, ce sont des professeurs hein, qui, d'une certaine manière, voudraient faire un peu la morale aux grands philosophes en essayant de leur donner une place à chacun, en distribuant des bons points. Mais là, c'est un grand philosophe qui juge ses pairs. Et on a effectivement une approche de ces philosophes comme des égaux et parfois avec une très grande proximité, une forme d'amitié que l'on devine et ça permet au fond de dire parfois des choses qui pourraient être désagréables ou qu'un historien habituel de la philosophie ne pourrait pas dire. Et là, effectivement, c'est une manière aussi de dire que l'histoire s'arrête avec moi, hein, parce que Schopenhauer du coup, ne peut pas aller plus loin. L'histoire s'arrête avec moi, sur la philosophie. On va écouter un autre texte de Schopenhauer, donc toujours dans l'art d'avoir toujours raison, et on va rentrer, vous en avez déjà donné quelques-uns, Christophe Salin, des stratagèmes qui sont exposés donc dans cet art d'avoir toujours raison, mais là il s'agit du stratagème 29, c'est le stratagème de la diversion. Quand on se rend compte que l'on va être battu, on fait alors une diversion, c'est-à-dire que l'on se met soudain à parler de toute autre chose, comme si cela avait un rapport avec le débat et était un argument contre l'adversaire. Si cette diversion est en rapport avec la question débattue, il faut rester discret. Mais si elle est sans rapport avec la question et ne concerne que l'adversaire, il faut s'y livrer sans la moindre vergogne. La diversion est impudente quand elle abandonne complètement la question pour dire quelque chose comme ceci. « Oui, et vous prétendiez d'ailleurs l'autre jour, etc. » Car le débat prend alors un tour personnel. À proprement parler, on est à mi-chemin entre l'argument ad personam et l'argument ad hominem. La moindre dispute entre des gens du commun montre à quel point ce stratagème est, pour ainsi dire, inné. Quand l'un fait des reproches personnels à l'autre, ce dernier ne répond pas en les réfutant, mais en faisant à son tour d'autres reproches à son adversaire, laissant de côté ce qu'il lui a fait, comme s'il les admettait. Il se conduit comme Scipion qui attaqua les Carthaginois non pas en Italie, mais en Afrique. En temps de guerre, une telle diversion peut parfois être utile. Mais dans une querelle, elle produit un très mauvais effet, car les reproches reçus sont laissés sans réponse, et les témoins du débat apprennent tout ce qu'il y a de mauvais chez les deux parties en présence. Dans une controverse, on ne doit y recourir que faute de mieux. Il y a des magistrats qui sont politisés. Cette situation est inadmissible, mais ça vous arrange parce qu'ils sont politisés de votre côté. Madame voilà. Le Pen. Et ça, c'est absolument n'ajoutez malheureux. N'ajoutez pas à votre indignité personnelle celle oui. de nos institutions mais c'est de ça. Grâce. Allez, soumettez-vous. Notre pays mérite soumettez-vous, mieux que ça. Je ne monsieur, me soumets à personne. Vous êtes à plat ventre en mais permanence devant l'Allemagne, devant le syndicat Madame de la magistrature, Le Pen, devant l'UOIF, devant les communautaristes, non, je suis devant de les puissances d'argent, devant les banques, à plat ventre. Mais Madame Le Pen, le candidat moi, à plat ventre. Je suis voilà. debout. Mais pour être debout, je n'ai pas besoin de salir. Vous en permanence, debout, vous salissez les étrangers, soumise. Vous salissez les juges, comme on vient de le voir, vous salissez les uns et les autres, Madame Le Pen. Notre pays n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'apaisement et d'efficacité. Je pense qu'on a reconnu leur voix. Il s'agissait de la voix d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. C'était le débat télévisé au second tour de l'élection présidentielle en 2017, le 4 mai 2017. Et juste avant, on a donc entendu le stratagème 29 de l'art d'avoir toujours raison, interprété par François Raison, donc dans le texte de Arthur Schopenhauer. On voit bien là dans l'extrait qu'on a entendu en fait entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors là, il y a une foule en fait de stratagèmes qu'il faudrait tous déplier, mais effectivement il y a quand même cette idée de la diversion qui consiste en fait à toujours décaler le sujet, c'est-à-dire qu'au point où on ne sait même plus de quoi il s'agit, et c'est là où les stratagèmes déployés par Schopenhauer sont vraiment intéressants, c'est qu'on voit bien qu'il y en a certains qui concernent les mots du débat, qui consiste à déformer les mots du débat, donc on pourrait dire des arguments sophistiques. Il y a aussi tous les stratagèmes qui relèvent de l'attaque contre la personne, donc ad hominem ou ad personam, on l'a entendu dans les extraits d'avant, quand ça vire tout de suite à l'insulte et au règlement de compte. Et puis, il y a ce genre de stratagème qui consiste en fait à disperser, à détourner l'attention. Et là, dans ce débat, effectivement, on assiste, parce qu'on a quand même un public, il y a quand même des électeurs, il y a quand même des millions de Français qui regardent ce débat, à un débat où on ne sait même pas de quoi il est question. Oui, c'est vrai que si on le prend, juste cet extrait, hein, si on le prend comme ça en arrivant, si on allume sa télé au milieu, on aurait sans doute du mal à déterminer l'objet exact du débat, parce qu'effectivement, vous avez un des personnages, enfin un des participants qui utilise, alors qui fait diversion, c'est vrai que elle reproche là pour le coup à son adversaire mille et une choses en recourant à des arguments ad personam, c'est-à-dire voilà, vous êtes couché, vous êtes soumis, vous êtes tout ce que vous voulez. Là on est, ça permet de faire la distinction hein, entre ad personam et ad hominem. Ad hominem, on reprend ce que l'autre a dit, vous disiez jadis, vous avez dit l'autre jour, et donc contradiction de la personne avec ses propos. On cherche à pointer une contradiction qui peut exister, mais qui ne porte pas sur l'objet du débat par ailleurs. Hein. On peut très bien se contredire sur certaines choses et pourtant avoir sur tel sujet toujours la même même perspective. Donc c'est pas un argument évidemment très honnête. Et puis l'argument ad personam consiste à dire de toute façon, il y a rien à attendre de vous parce que vous êtes voilà, vous êtes pourri, vous êtes vendu, vous êtes ceci, vous êtes ça, etc. Et puis il y a un autre. Alors bon, il y a l'insulte, donc il y a un stratagème. Hein, voilà, on cherche à déstabiliser en insultant. Et puis il y a aussi un alors autre. Est-ce que c'est vraiment de l'insulte là? Bah, de dire qu'il est soumis, couché, etc. Enfin, je veux dire, là, on est quand même. Oui, c'est vrai. Enfin, franchement, c'est pas c'est très vrai. Classe comme truc quand même. C'est vrai. Je sais pas pourquoi je posais la question. Non, c'est voilà, c'est pas. Il lui répond. Il dit, vous ajoutez de l'indignité. Oui. Il y a un problème de dignité là quand même. On peut quand même se tenir. Il y a des gens qui nous regardent. Et c'est un peu comme ça. Mais il y a un autre élément encore, c'est que. Elle lui reproche mille et une choses, donc elle noie d'une certaine manière, elle le noie sous un flot ininterrompu de choses qui n'ont aucun rapport. Vous êtes un suppôt du communautarisme, vous êtes couché devant l'Allemagne, vous êtes... enfin bon, c'est du grand n'importe quoi, mais je crois que là, en fait, ce qui pouvait, d'une certaine manière, dans un estaminet, dans la salle d'un bar, ce qui pouvait fonctionner, vous voyez, entre des gens un peu forts en gueule qui allaient s'écharper parce que c'est je dirais que le café à l'ancienne c'est peut-être le lieu hein, c'est le lieu où ces échanges pouvaient exister, mais là on est dans un univers très policé, des millions de Français et pas seulement regardent tout cela, et c'est un public qui ne peut pas intervenir, qui peut même pas manifester quoi que ce soit. C'est ce que j'allais vous demander, Christophe Salin, c'est que effectivement là, dans ce cadre-là, c'est pas du tout comme dans le cadre privé, comme dans l'extrait du film oui. De Sauter, c'est-à-dire que là il y a quand même une utilité, il devrait y avoir une utilité à ce débat pour des millions de Français, à savoir se décider quand même pour choisir un candidat. Or, il n'est question que effectivement d'avoir raison, et on se demande à quoi sert ce public qui va pourtant devoir trancher. Oui. Donc ce débat quand même du second tour, il est primordial, mais c'est comme s'il était presque vide, puisque comme l'a dit Schopenhauer, la vérité n'est pas en cause, mais même sans parler de vérité, mais même de véracité, de vraisemblance, de justice, de justesse, de droit, d'arguments politiques, il y a juste en fait à se prononcer sur une prestation, ce qui est peut-être d'accord en fait, on élit toujours un homme politique ou une femme politique sur... aussi sa manière d'être et pas seulement sur son programme politique. Mais là, ça veut dire qu'on assiste à un débat qui est vide, et ce qui pose la question de à quoi sert ce genre de débat? À quoi servent d'ailleurs les débats dont on parle tout le temps, partout, qu'on voit sur toutes les chaînes, et on voit juste des gens s'écharper sur des arguments qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut même pas valider. C'est-à-dire qu'on a un public silencieux, on nous dit on fait du débat, et c'est ça la démocratie, c'est le débat. Mais là, il y a rien là-dedans. Oui, mais c'est parce que, justement... ce sont alors, je pense que tous les débats politiques ne sont pas de cet ordre-là. Là, l'enjeu est tel qu'effectivement, on a quelqu'un qui manifestement a été coaché dans l'idée que bah, quand on n'a pas grand-chose qui tienne la route à dire, il faut attaquer l'adversaire. Donc on est dans une stratégie qui est perdante. D'ailleurs, je pense que du côté du Front National. Tout le monde a très bien vu que elle n'avait pas pris la chose comme elle aurait dû. Et d'une certaine manière, elle a raté ce débat. Elle a vraiment raté. Elle a raté parce que dès le départ, elle a commencé par l'insulte. Elle n'a pas joué le jeu, finalement, du débat démocratique, alors qu'elle prétendait incarner une démocratie, qui ne pouvait pas s'exprimer, ou je ne sais quoi. Donc, dès le départ, finalement, elle a grillé ses cartouches. Et Macron a eu beau jeu, d'une certaine manière, de pouvoir lui rappeler des choses qui, là, relèvent de la vérité objective. C'est-à-dire, vous confondez Alstom avec je ne sais plus quoi, enfin, je n'ai plus en tête, il y en a un qui fait des turbines, l'autre des téléphones, enfin bon. C'est-à-dire qu'au fond, il a pu lui rappeler des faits, tout en se moquant d'elle, en montrant son incompétence, en tout cas sa méconnaissance des dossiers, et d'une certaine manière, elle lui a offert sur un plateau des points. Chose dont il n'avait peut-être même pas besoin, vu le rapport de force qu'il y avait politiquement au terme du premier tour. Mais il a joué le jeu du vrai débat. Mais lui, il a joué le jeu, finalement. Et d'une certaine manière, il n'a pas eu besoin de tomber dans la malhonnêteté des stratagèmes, puisque quelqu'un s'en chargeait très bien face à lui. Est-ce qu'on peut être tombé dans la malhonnêteté des stratagèmes, comme vous dites, Christophe Salin, tout en ayant une idée, une conviction juste à défendre, et malgré tout, en fait, on va quand même avoir affaire à ce genre de moyens malhonnêtes. Est-ce que ça va desservir notre thèse? Est-ce que ça l'abîme d'une certaine manière? Est-ce que ce genre de moyens déployés pour Schopenhauer, ça abîme notre conviction qui serait juste ou vraie? Est-ce que ça nous corrompt, en fait, d'utiliser ce genre de méthode? Oui, c'est... Alors, en fait, c'est une réflexion qu'on pourrait avoir très largement sur la question de la rhétorique, qui n'est pas tout à fait l'objet de notre réflexion ici, hein, puisque les stratagèmes ne sont pas des stratagèmes rhétoriques, ce sont des stratagèmes héristiques, de combat, des stratagèmes sophistiques, où on cherche finalement à tromper, hein, c'est-à-dire on cherche à forcer finalement l'adhésion de l'autre. Donc il y a une forme de manipulation évidemment qui se met en œuvre. Mais vous savez, souvent on prend la rhétorique comme quelque chose de comme quelque chose qui peut servir le meilleur comme le pire. C'est vrai que c'est un outil, mais c'est un outil dont on aurait tort à se priver si on a des idées à défendre. Parce que la pandémie nous a montré une bonne chose, hein, d'une certaine manière, c'est que ceux qui savaient parler semblaient savoir davantage que ceux qui savaient mais qui n'avaient pas l'habitude de s'exprimer sur ces sujets-là. Donc la rhétorique sert les idées quand il y a des idées. Parfois, finalement, elle sert un peu tout et n'importe quoi comme idée. C'est-à-dire que ça n'entache pas forcément notre propos. Non, je pense qu'on aurait tort de ne pas faire l'effort de bien parler quand on a quelque chose à défendre. Mais c'est vrai que dès qu'on est dans cette dialectique aristique, on voit bien qu'on est dans une situation où on doit à tout prix l'emporter. Alors, on peut bien comprendre que il y a des idées qui méritent d'être défendues et donc il faut le faire et on s'adapte aussi à l'adversaire. Si l'adversaire finalement se comporte de manière très honnête, on peut avoir une controverse tout à fait très très, très bien. Ou quand on débat avec un ami, on peut parfois user de stratagèmes sans les rechercher, mais naturellement dire des choses qui relèvent une forme de mauvaise foi, où on étend un peu ce qu'il dit, on joue un peu sur les mots, etc. Mais d'une certaine manière, avec des amis, ça se règle tranquillement, parce que bon, ça dépend. Oui, mais on peut supposer avec de vrais amis, tu t'exagères, là, t'es pas vraiment de bonne foi, reconnais que, etc. Puis finalement, l'amitié pourrait être plus forte que cela. Il y a presque quelque chose de l'ordre de la parésia, en fait, du discours honnête et franc où on va se livrer à l'autre et l'autre va se livrer à nous et on va pouvoir partager quelque chose de très honnête. Voilà. Mais selon la personne avec laquelle on se retrouve à débattre, parfois effectivement on peut se dire tant pis pour l'argument n'est pas beau. N'est pas bon, mais au moins il marquera les esprits. Et j'ai en tête quelque chose parce que hier je participais à un stage sur la médecine et la philosophie, et il y avait une philosophe et médecin qui était là et qui et on discutait des arguments des anti-vax, des choses comme ça. Et elle disait: je n'aime pas utiliser cet argument, mais parfois j'en ai tellement marre que je le dis quand même. Hitler était contre les vaccins. Vous voyez. Donc ah oui. Là, on voit bien qu'on atteint tout de suite un sommet. Oui, c'est d'une très grande malhonnêteté intellectuelle. Mais d'une certaine manière, les enjeux sanitaires, vous voyez, justifieraient parfois de pouvoir clouer le bec à quelqu'un une bonne fois. Chacun, dit Sénèque, préfère croire plutôt qu'exercer son jugement. On a donc beau jeu quand on a de son côté une autorité que l'adversaire respecte. Et ces autorités seront d'autant plus nombreuses que les connaissances et les capacités de l'adversaire seront limitées. En revanche, si celles-ci sont de premier ordre, il en reconnaîtra peu, sinon aucune. À la rigueur, l'adversaire s'en remettra à l'avis de spécialistes dans une science, un art ou un métier qu'il connaît peu ou pas du tout, et encore avec méfiance. À l'inverse, les gens ordinaires ont un profond respect pour les spécialistes en tout genre. Car ils ignorent que celui qui fait profession d'une chose ne le fait pas par amour pour cette chose, mais pour ce qu'elle lui rapporte. Et qu'il est rare que celui qui enseigne une chose la connaisse à fond, car s'il l'étudiait à fond, il ne lui resterait guère de temps pour l'enseigner. Mais pour le vulgaire, les autorités dignes de respect ne manquent pas. Et si on n'en trouve pas une qui soit pleinement appropriée, il suffit d'en prendre une qui le soit en apparence, ou reprendre ce que l'un a dit dans un autre sens ou dans des circonstances différentes. Ce sont les autorités que l'adversaire ne comprend pas du tout qui ont généralement sur lui le plus grand effet. Les ignorants ont un certain respect pour les locutions grecques et latines. Si nécessaire, on peut aussi non seulement déformer, mais carrément falsifier les paroles de l'autorité, ou même simplement tout inventer. En général, l'adversaire n'a pas le livre sous la main, et ne sait pas non plus comment l'utiliser. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Je pense qu'avec ce stratagème 30 de l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, interprété par François Raison, on a le texte parfait qui illustre la plupart des débats qu'on a vus pendant la crise sanitaire et encore maintenant. C'est-à-dire qu'il y a cet appel toujours à une autorité qui viendrait soutenir nos propos. Le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas expliciter véritablement les dires, les recherches de cette autorité, mais le fait juste de donner cette autorité suffit en fait à valider notre argument, ce qui en fait abandonne, enfin on pourrait dire comment empêche toute contre-argumentation, toute objection. Finalement, l'adversaire est laissé vraiment seul avec cet argument d'autorité et ne peut pas le contredire. Oui, parce que justement, l'argument d'autorité fait un effet, fait un effet quasi mystique ou fétichiste. À une époque, quand on voulait défendre quelque chose, on disait qu'Aristote l'avait dit. Hein, donc, à partir de là, on lui a fait dire. On peut continuer à le dire. Hein, oui, alors d'autres pourraient dire le pape l'a dit, mais bon, encore faudrait-il que là, tout le monde reconnaisse son infaillibilité, ou en tout cas celle de l'Église. Les autorités. Ce qui est intéressant dans ce que dit Schopenhauer, c'est que les autorités, justement, sont toujours relatives à celui qui les écoute, qui les entend. Parce que Schopenhauer nous dit quand quelqu'un a finalement une tête bien faite et sait par lui-même juger, il y a très peu d'autorités qui peuvent avoir le moindre effet sur lui. Il peut toujours s'en remettre à l'avis d'un spécialiste dans un domaine, il peut toujours reconnaître que là, il n'y connaît rien, donc il s'en remet à ce que dit un spécialiste, mais il y aura toujours de la méfiance. Parce qu'il sait très bien, effectivement, que ça ne peut pas... cet argument ne peut pas porter véritablement sur l'objet lui-même. C'est quelque chose qui est fait pour nous pousser à croire, selon le principe, qu'une opinion qui a été émise par quelqu'un qui semble s'y connaître doit nécessairement être adoptée par les autres. Il y a une réflexion qu'il fait, notamment dans ce stratagème, à un autre endroit du texte où il se demande ce qu'est une opinion commune. Il dit, c'est généralement l'opinion de deux ou trois personnes. Mais ça, c'est très intéressant parce que oui. C'est une véritable critique de l'opinion publique. Oui, tout à fait. C'est généralement l'opinion de deux ou trois personnes qui n'ont jamais trouvé sur leur chemin d'opposition. Hein. Et puis, à un moment donné, la chose a tellement enflé qu'on se sent obligé de l'adopter. Parce qu'on ne sait même plus d'où elle vient, cette idée. Mais ce principe-là de l'opinion publique, on trouve cette description de la constitution de l'opinion publique dans d'autres textes. Je pense notamment à Alexis Tocqueville dans La démocratie en Amérique, qui consacre des très belles pages et où il dit précisément l'inverse de Schopenhauer. C'est-à-dire qu'en fait, il décrive le même fonctionnement. Finalement, c'est un groupe de personnes qui va croire une opinion et puis finalement, cette opinion-là va se diffuser parce que la croyance va faire que cette opinion va se diffuser. Sauf que pour Schopenhauer, cette diffusion repose sur de la paresse des uns et des autres et de l'ignorance, parce qu'ils jugent quand même très mal le reste du monde. Mmh. Alors que pour Alexis de Tocqueville, cette diffusion de l'opinion publique, elle va précisément reposer sur la confiance qu'on accorde aux autres. Et c'est là où il y a aussi un problème dans les débats et dans ce stratagème de l'autorité, c'est que, en fait, cette autorité-là, on la convoque non pas seulement pour forcément tuer l'adversaire, mais aussi parce qu'on peut présupposer quand même une forme de confiance. On a confiance en toutes ces figures qu'on nomme des experts, et c'est là où c'est extrêmement douteux, en fait, cette figure de l'expert et de l'autorité. Oui. Non, mais il est légitime de croire ce qu'un expert vous dit, parce que il est normalement mieux placé que quiconque pour cela. Mais le titre d'expert n'est pas pour autant une garantie qu'on ne se trompe jamais. Après tout, la pandémie nous a montré une chose, c'est que on est passé par tous les discours possibles imaginables, depuis la petite grippette que certains infectiologues, virologues ou immunologues très réputés pouvaient nous annoncer avec la Covid. Puis à la fin, c'était bon, restez chez vous, mettez des masques, faites-vous vacciner. Donc c'est vrai que il y a eu un tel flottement dans les discours, parce que on découvrait quelque chose finalement. Et on n'était pas voilà la chose nous a heurté dans nos habitudes même les plus savantes. Puis il y a aussi des gens éminents en tout cas qu'on a présentés comme tels qui ont pris le contre-pied et on a eu le sentiment d'une belle cacophonie. Donc l'argument d'autorité a, comment dire, avec la science, on a pris un coup. Mais c'est vrai que jusqu'ici, enfin dans n'importe quel débat, si vous dites des études ont montré, oui, vous n'avez pas besoin de dire lesquelles, mais vous pouvez les inventer. Je dirais même encore, il faut être plus précis, des études américaines ou la NASA ou une étude anglaise parue dans The Lancet, personne n'ira vérifier et vous pouvez dire un peu de tout et n'importe quoi. Mais vous pouvez dire tout et n'importe quoi à quelqu'un qui effectivement vous fait confiance. Mais c'est peut-être l'argument le plus malhonnête, finalement, celui de l'autorité, puisque à la fin, Schopenhauer le dit, on peut falsifier les paroles de l'autorité ou même tout simplement tout inventer, ce qui rejoint d'ailleurs d'autres stratagèmes, où il s'agit en fait de faire preuve, c'est l'argument ad auditore, on fait une objection invalide, mais le public ne peut en voir l'invalidité. Du coup, l'adversaire ne peut pas démontrer que cette objection est invalide, il se retrouve à perdre, et finalement, c'est la vérité qui n'est jamais démontrée, mais aussi le débat qui non seulement a perdu de sa substance, mais aussi finalement porte presque sur deux fois, ça devient presque du délire. Oui, mais je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais assisté à un colloque et il y avait un éminent professeur dont je tais le nom parce qu'il est disparu aujourd'hui et qui avait fait une très très belle conférence sur Blaise Pascal. Et il y avait dans le public un spécialiste de Leibniz. Et vous savez, dans ces colloques, tout le monde attend son tour pour pouvoir parler, pour dire un mot et briller un petit peu. Et donc ce spécialiste de Leibniz intervient à un moment donné en demandant si chez Leibniz, il n'y a pas déjà ceci ou cela, etc. Et ce professeur dont je parle, qui semblait un peu agacé par une question qu'il avait dû entendre déjà une centaine de fois, a levé les bras au ciel en disant « Leibniz, je n'y ai jamais rien compris ». Et ça, c'est un argument d'autorité, c'est le stratagème suivant, 31. Mes lumières ne me permettent pas finalement de me prononcer, ce que vous dites dépasse mes capacités. C'est une sorte de fausse modestie en plus. Oui, mais ce qui revient en fait à se prendre soi-même comme une autorité. Vous voyez, c'est finalement la plus grande autorité à laquelle je pourrais me remettre, c'est quand même la mienne, et celle-ci ne me permet pas d'aller dans votre sens. Ce qui était évidemment malhonnête, mais on a quand même bien ri, nous les étudiants. Alors attendez, chacun votre tour. Monsieur le ministre d'abord, si vous le permettez. Je tiens à vous dire que je suis parfaitement scandalisé. On nous a présenté ce soir la réalité d'une façon odieusement caricaturée, pour ne pas dire grotesque. Croyez-moi. S'il vous plaît, monsieur Giraud. Attendez, monsieur Ramirez. J'ai l'impression qu'il faut être ministre pour avoir la parole dans ce débat ici. Mais si vous savez, j'avoue, monsieur Ramirez, vous n'aviez qu'à être ministre. C'est vulgaire. Vous avez entendu tout à l'heure les questions des téléspectateurs. Ils voudraient savoir si oui ou non vous avez épousé après la guerre Madame Bernadette Bourdelle qui est ici avec nous. Cette question m'embarrasse personnellement. Je préférerais que vous la posiez à ma femme. Le général et moi, nous sommes épousés en mai 52 à Vienne. Mmh. Ah, alors que ce mariage était consommé depuis bien longtemps. Ouais. Je me souviens très bien comment notre père nous racontait, en riant, comment il avait surpris le général Sponsé, la bourdelle, dans la cuisine, dans une situation très fâcheuse, si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'étiez pas non, très habillé. C'est ignoble. Il n'y a pas de mots pour dire ce que vous êtes, monsieur Ramirez. Il n'y a plus de mots. enculé. Ah, ah non, monsieur non. Bourdel, s'il vous plaît, restez correct. J'ai trouvé qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de décoloré? Je vais te dresser, moi, avant vous l'air. Monsieur, quel salope de la part du gouvernement. C'est le mot de la fin, ainsi se termine cette émission. Alors voilà, c'était un extrait de Papy fait de la résistance. C'est la fin du film de Jean-Marie Poiré de 1983. Christophe Salin, vous avez rigolé en studio, oui. Je dois le dire. Là, on est vraiment, on peut passer quand même là à l'insulte. Il nous reste 2 minutes. Donc on y est là. C'est vraiment l'insulte ad personam. C'est le feu d'artifice là. Tout y passe et c'est vrai que. Mais bon, là, on est quand même dans un film qui. qui est censé être comique, qui est voilà. Censé... Et drôle et qu'il l'est. Mais c'est vrai que. Là. Au fond, vous voyez, ce dernier stratagème, on pourrait le contrebalancer pour essayer de retrouver un peu notre sérénité. Si vous voulez, je peux vous lire du Schopenhauer. Hein. Oui, mais justement, dans le dernier stratagème, Schopenhauer nous dit, bon, quand on vous insulte, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, certains penseraient qu'il faudrait s'en abstenir, mais c'est pas forcément une bonne solution, parce que parfois, ben, finalement, c'est peut-être la seule chose qui nous reste. Mais il y a un conseil qui est donné à la fin de ce texte, c'est de dire, le mieux, c'est quand même de ne pas débattre avec n'importe qui. Mais voilà, mais ça, c'est une question très actuelle. Est-ce qu'on peut débattre avec n'importe qui? Ou même, est-ce qu'on peut débattre avec tout le monde, pour le dire autrement? Est-ce qu'on peut débattre, par exemple, c'est une question qui se pose actuellement, est-ce qu'on peut débattre avec Éric Zemmour? Est-ce qu'on peut débattre avec des gens qu'on méprise, quel que soit leur bord politique? Ouais. Alors, bon, bah, c'est vrai que là... C'est moins drôle, là. Bah oui, c'est moins drôle. Alors, peut-être qu'on pourrait débattre avec Éric Zemmour s'il n'était pas sur le point de devenir candidat présidentiel. Peut-être qu'après tout, tant qu'il a resté un journaliste, on pouvait toujours débattre avec lui, j'en sais rien. Après, il y a ceux qui vont débattre parce qu'ils veulent gratter un peu de lumière, ils veulent se mettre un peu en scène, ils veulent exister. Je ne cite personne, je dis ça comme ça. C'est vrai que Éric Zemmour nous offre, là, un certain usage des stratagèmes. Vous voyez, des études ont montré, bon, on ne sait jamais trop sur quoi il s'appuie, ou alors il fait appel, je ne sais pas, à l'utilité. Hein, franchement, votre intérêt, c'est quand même d'être d'accord avec moi, ceci ou cela. Et puis là, un stratagème assez fréquent, bon, il n'est pas le seul, mais assez fréquent, c'est de dire on est d'accord, hein, nous sommes d'accord. Hein. Et quand on dit à quelqu'un que dans un débat qui les oppose, on dit qu'on est d'accord, on comprenait bien que là, on coupe l'herbe sous le pied à l'adversaire qui doit alors montrer à tout prix à quel point il est en désaccord. Et c'est lui qui va sortir des choses assez extrêmes pour pouvoir se démarquer d'un éventuel accord. Merci beaucoup Christophe Salin, je suis d'accord avec vous. De vous, on peut lire la préface des manuscrits inédits de Schopenhauer, c'est aux éditions Coda. Apprendre à philosopher avec Schopenhauer aux éditions Ellipse. Et votre dernier essai consacré à la bicyclette intitulé Éloge de la roue libre aux éditions The Minute Philosopher. Et bien sûr d'Arthur Schopenhauer dans votre traduction. Christophe Salin, l'art d'avoir toujours raison et c'est aux éditions The Minute Philosopher. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jardine. Você pretende sustentar opinião e discutir por discutir só pra ganhar a discussão. Eu lhe asseguro, pode crer que quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver, já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não? Se o resultado é solidão, em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. C'est Discussao de Sylvia Tell que vous écoutez. Vous écoutez aussi France Culture. Il est 10h54 et vous allez écouter maintenant la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment.